nous verrons dans la bergère qui promis s'en repentira. Tandis qu'un peu je me consume, maudissant cet éloignement. Vous qui n'aimez que par coutume, caresserie un nouvel amant. Jamais légère girouette, au vent si connaît ce virage. Nous verrons bergère rosette, qui premier s'en repentira. Où sont tant de promesses saines, tant de pleurs versées en partant? Est-il vrai que ces tristes plaintes sortissent d'un cœur inconstant? Dieu que vous êtes mensongère, maudit soit-il, plus vous croira. Nous verrons au linge bergère qui premier s'en repentira. Celui qui a gagné ma place ne vous peut aimer tant que moi. Et celle que je me passe de beauté, d'amour et de foi. Gardez bien votre amitié neuve, la mienne plus ne vanira. Et puis nous verrons les preuves qui premier s'en repentira.